rappelait, Liane Radigue, que vous vivez souvent aux États-Unis. L'existence même de la musique américaine d'aujourd'hui qui compte pour vous quand vous vous y trouvez. Et peut-être que vous auriez à nous dire si cette musique a infléchi, continue d'infléchir vos propres choix esthétiques. Ce n'est pas tout à fait comme cela, je crois qu'il faudrait formuler les choses. C'est comme une rencontre. Vous savez, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous avez le sentiment de reconnaître cette personne. Et immédiatement, une relation très simple, très naturelle, très profonde s'établit. Et c'est ce que j'ai trouvé là-bas. Je sens très profondément que ma famille spirituelle est peut-être un bien grand mot, mais enfin ma famille musicale se trouve là-bas. C'est que la manière dont les musiciens travaillent là-bas me semble infiniment proche et que je m'y retrouve. Mais quand vous dites les musiciens, ne conviendrait-il pas que vous les nommiez quelques-uns ? Ah oui, bien sûr. Bien, depuis Terry Riley à Philip Glass, en passant par Charlemagne Palestine, Steve Reich, enfin toute cette nouvelle école américaine. Ce sont vos amis, ce sont vos frères d'armes. Ce sont de très grands amis, ce sont mes frères, et je dirais presque mes frères d'âme, plus que d'armes. Et est-ce que eux aussi ont comme vous cette préoccupation d'installer ces... qu'il faut bien appeler le discours sonore dans une certaine dimension temporelle. Cela semble évident à l'écoute de ce qu'ils font, mais je vais vous faire un aveu. Lorsque nous parlons de musique ensemble, nous n'en parlons pas dans ces termes. Nous en parlons en termes de réalisation ou en termes d'acceptation, ou bien nous n'en parlons pas du tout, et le fait de ne pas en parler est beaucoup plus éloquent que n'importe quel discours.